t'es grand, t'es vert. Cactus, cactus, cactus, cactus. Je m'explique, j'attends, je désespère. Cactus, cactus, cactus, cactus. Comme un flic du mauvais sang. Pour ta carrière, cactus, cactus, cactus, cactus, tu piques tes manquants, tout à l'envers, cactus,